Chapitre 18e. Départ pour les montagnes dans la diligence. Scène des Allegheny. Hagerstown. Le temps fut froid et désagréable pendant les deux jours que nous fûmes obligés de rester à Wheeling. J'ai été tout à fait las de l'ami que la Providence m'avait envoyé. Je m'étais promené avec mes filles sur toute la colline raboteuse qui est derrière la ville, et je partis pour mon voyage à travers les montagnes avec plus de plaisir qu'on en éprouve ordinairement en quittant bon lit avant le jour pour aller occuper un coin d'une mauvaise diligence. C'était la première fois que nous montions dans une diligence américaine, quoique nous eussions parcouru déjà au moins 2000 miles dans les États-Unis. Et nous eûmes toute la satisfaction qu'on peut tirer de la conviction de voyager dans une terre étrangère. Le véhicule n'avait pas de marchepied, et nous y grimpâmes par une échelle. Lorsque cette échelle fut emportée, je me rappelais avec désespoir que les femmes se trouvaient dans la position des matelots, qui, dans le danger, n'ont point de porte pour se sauver. Mais lorsqu'un danger est inévitable, on le supporte ordinairement avec un grand courage. Qui aurait pu proférer cette demande, habituelle aux dames quand elles sont sur de mauvaises routes? « Laissez-moi descendre, s'il vous plaît. » Lorsque la complaisance du cocher eut obligé la solliciteuse à faire un saut de 5 pieds avant de pouvoir atteindre la terre. Cette voiture avait 3 rangs de sièges calculés pour contenir 3 personnes chaque, et comme nous n'étions que 6, nous fûmes pendant plusieurs milles cahotés comme des pommes de terre dans une brouette. Nos genoux, nos coudes et nos têtes demandaient trop de soins à protéger, pour nous laisser le soin de regarder à travers les fenêtres. Mais enfin la route devint plus douce, et nous devînmes à notre tour plus habiles dans l'art de nous balancer et de supporter un choc avec moins de danger de dislocation. Nous nous aperçûmes alors que nous voyagions à travers un fourbeau pays, tout à fait différent de celui auquel nous étions habitués, dans les environs de Cincinnati. Il est vrai que nous avions quitté la belle rivière, mais les jolis et limpides ruisseaux qui brillaient au loin dans le paysage nous dédommageaient de sa perte. La terre était mieux cultivée, et une route large, et qui probablement occasionna de grandes dépenses, bien qu'elle ne fût pas très douce, avait un grand charme pour nous, car depuis notre entrée dans le boueux Mississippi, nous n'avions vu, en fait de travaux exécutés ou de précautions prises pour faciliter les voyages, que la levée et des bateaux à vapeur. Dans toute la vaste région que nous avions parcourue, excepté à la Nouvelle-Orléans, tout art humain semblait se réduire aux efforts individuels de se tirer d'affaires, dicton de l'Ouest, et qui signifie de vivre avec aussi peu que possible des embarras de la société civilisée. Cette route fut faite aux dépens du gouvernement jusqu'à Cumberland, ville située au milieu des Allegheny, et doit, vu la nature du terrain, avoir coûté des sommes immenses. Je regrettais de ne pas avoir compté le nombre de ponts entre Wheeling et le petit Washington, distance d'environ 34 milles. Sur un ruisseau seulement, il y en avait 25, tous traversant la route. On les trouve souvent à 200 pas les uns des autres, tant le ruisseau serpente dans sa course. Ils sont construits en pierre, et souvent avec assez d'élégance. Le petit Washington est dans la Pennsylvanie. La grande route le traverse. C'est un état libre. Cependant, nous fûmes servis par des nègres qu'on gage dans l'état voisin de Virginie. Nous arrivâmes la nuit, et nous repartîmes le matin à 4 heures. Tout ce que nous vîmes de cette petite ville, c'est son hôtel, qui est propre et confortable. La première partie du voyage, le jour suivant, se passa dans un pays beaucoup moins intéressant qui conserva le même caractère pendant près de 30 000. C'était une succession non interrompue de montagnes couvertes de forêts. Aussitôt qu'avec de grands efforts nous étions grimpés sur une de ces montagnes, nous commencions à dégringoler encore. Les arbres étaient assez courts et assez épais pour empêcher toute vue devant nous et de côté. La seconde partie de la journée nous récompensa amplement, et à 4 heures nous commençâmes à monter les Allegheny. Le premier sommet du côté de l'ouest est appelé la montagne du Laurier. Elle prend ce nom de la profusion d'arbres toujours verts dont elle est couverte. On ne rencontre cependant pas parmi eux l'arbrisseau auquel nous donnons le nom de Laurier. Toute cette région montagneuse, à travers laquelle passe une route de 90 milles, est un jardin. La variété incroyable des plantes et leur belle venue produisent un effet enchanteur. Je crois que ce doit être un bien grand plaisir que de faire un voyage botanique sur les Allegheny, pour ceux qui possèdent assez de science dans cette partie pour en profiter. Le magnifique rhododendron attira le premier nos regards. Il grimpe sur toutes les hauteurs, s'abrite sous tous les quartiers de rochers et fleurit autour de chaque arbre. L'azaléa, le sumac et les différentes variétés de ce beau et dangereux calmia sont en égale profusion. Nous voyons au-dessus, autour et au-dessous de nous des cèdres de toutes les grandeurs et de toutes les formes. Il y avait aussi des pins si variés et si beaux que je ne suis réellement pas sûr que ce soient les mêmes arbres qu'on voit en Europe, ou si l'espèce en Amérique en est infiniment plus haute et plus belle. L'espèce qu'ils appellent cygne ne le cède, selon moi, qu'aux cèdres pour la magnificence. Les chênes et les hêtres croissent au milieu d'innombrables roses, et des vignes sauvages pendent en festons, dans un charmant désordre parmi leurs branches, et souvent se mêlent aux arbres toujours verts. Le sol est tapissé de différentes mousses et de plantes grimpantes. Et bien que nous fussions alors au mois de mars, on n'apercevait aucune trace de l'hiver. Telle fut la scène qui se présenta à nos regards lorsque nous parvînmes aux Alleghany et qui nous prouva que nous venions d'atteindre ces célèbres montagnes. Tandis que la magnifique route que nous suivions s'élevait de plus en plus haut, tout ce qui est admirable dans la nature se joignait à ce qui en est le plus gracieux. Le sommet bleuâtre des plus hautes montagnes fermait l'horizon. Des masses immenses de rochers s'élevaient au-dessus de nous sur la gauche, à moitié cachées par intervalles par des arbrisseaux verts, tandis qu'à droite, nous dominions sur la cime des pins et des cèdres qui croissaient au-dessous de la route. Je n'avais aucune idée de la variété de ces scènes de montagne. Mes notions ne dépassaient pas les rochers, les précipices, les torrents et les forêts. Mais j'étais loin de penser que je rencontrerais au milieu des montagnes le premier lieu qui me rappela les jardins de notre belle Angleterre. Il en fut cependant ainsi. Depuis l'instant où j'étais entré en Amérique, je n'avais encore rien vu qui me rappelait le moins du monde ce que nous appelons un jardin. Je n'avais aperçu dans l'état d'Ohio que quelques fleurs chétives et sans parfum, et ce fut avec la joie qu'on éprouve à retrouver un vieil ami que nos yeux s'arrêtèrent sur un délicieux mélange d'arbres, d'arbrisseaux et de fleurs. Souvent, en descendant dans d'étroites vallées, nous trouvions un enclos cultivé, entouré de rhododendrons, de sumacs, d'azaléas et une chaumière couverte de roses. Ces vallées sont d'une rare beauté. Un ruisseau limpide y serpente presque toujours, et presque généralement aussi, à quelque distance de la route, ses eaux sont employées à l'usage d'un moulin. Et là, comme sur toutes les hauteurs, le paysage reçoit une grande beauté de coloris de la brillante nuance de la végétation et de la teinte grisâtre des rochers. La première nuit que nous passâmes au milieu des montagnes nous arracha péniblement aux jouissances de la nature, pour nous plonger dans mille petites misères humaines. En arrivant à l'auberge, nous trouvâmes la salle des voyageurs remplie de fumée de tabac et d'une odeur repoussante de whisky. Et bien que refroidis par l'air des montagnes, nous préférâmes monter aussitôt dans nos chambres sans feu que de souper au milieu d'une semblable atmosphère. Nous trouvâmes dans nos lits des draps qui, nous assura-t-on, n'avaient servi que peu de nuit, et l'on nous répondit, relativement à tous les rafraîchissements que nous demandâmes, « Malheureusement, nous n'avons pas cela. » Nous étions encore en Pennsylvanie, et par conséquent, nous n'étions pas servis par des esclaves. Ce fut avec de grandes difficultés que nous obtînmes du feu de la jeune fille de mauvaise humeur qui portait la complaisance jusqu'à nous servir de femme de chambre, et surtout que nous lui extorquâmes du linge blanc pour nos lits. Puis nous nous couchâmes patiemment sans souper, tandis qu'elle nous quittait en murmurant que les Anglais sont difficiles à satisfaire. Le matin suivant, nous retrouvâmes notre bonne humeur et nous jouîmes d'une nouvelle scène d'enchantement. Les nuages flottaient autour de nous et au-dessous, et l'on voyait des sommets éloignés comme à travers un voile de gaze blanche qui se déroula peu à peu au lever du soleil et nous découvrit de nouveau toute la splendeur de ces interminables montagnes. Lorsque nous commençâmes à monter, on nous avertit que nous trouverions de la neige à 4 pouces de hauteur sur la route. Nous n'en avions pas encore vu, et ce fut avec peine que nous pûmes nous persuader que nous n'étions pas au milieu de l'été. En avançant néanmoins, nous nous aperçûmes que les hauteurs du côté du nord en étaient couvertes, et enfin, vers le sommet, notre route elle-même nous offrit les 4 pouces promis. La douceur extrême de l'atmosphère et la nuance brillante des arbres toujours verts formait un étrange contraste avec cette apparence d'hiver. Il est difficile de deviner comment la neige ne fondait pas au milieu d'une telle température. ces scènes variaient à chaque instant et nous procuraient toujours les mêmes sensations. Mais en continuant une description de ces belles montagnes, je parlerai encore de rochers, de cèdres, de lauriers, de ruisseaux limpides, de hauteurs bleuâtres et de vertes vallées, et cette répétition des mêmes objets ne ferait pas autant de plaisir au lecteur qu'elle en procurait à nos regards. D'un sommet qui s'élevait au-dessus des hauteurs voisines, nous découvrîmes l'immense vallée de l'Ouest. C'est un coup d'œil surprenant, mais l'ayant contemplé un instant, nous nous détournâmes pour continuer notre route, et la persuasion que nous ne la verrions plus ne nous arracha pas un regret. Nous dînâmes le second jour dans un endroit charmant. On nous apprit que c'était le point le plus élevé de notre route, de 1846 pieds au-dessus du niveau de la mer. Nous fûmes régalés abondamment de dindons sauvages et de venaisons des montagnes. Cette dernière est bien préférable au gibier que produisent les rives du Mississippi et de l'Ohio. Les légumes y sont aussi excellents, et nous fûmes instruits par une jolie fille exerçant la surveillance sur les esclaves qui nous servaient, car nous étions de nouveau en Virginie, que les légumes des Allegheny étaient renommés comme les meilleurs de l'Amérique. Elle nous dit aussi que les fraises sauvages étaient fort belles et en grande abondance, et que les vaches de la maison se nourrissaient de fleurs pendant l'été, ce qui produisait un lait copieux et excellent. Elle ajouta que le ruisseau donnait l'eau la plus pure et la plus fraîche, jusque dans les saisons les plus chaudes, et que le climat était le plus délicieux du monde. Car bien que le thermomètre s'éleva quelquefois à 86 degrés, la brise rafraîchissante ne leur manquait pas. Quel lieu pour se faire ermite pendant un été! Mon élégante montagnarde me donna des échantillons de quelques plantes rampantes que je n'avais vues nulle part. Une entre autres, qu'elle appelait le pin rampant et qui, me dit-elle, est particulière aux Allegheny. Dans certains endroits, cette plante couvre des acres entiers de terrain. Elle est fort belle, et les chambres en étaient décorées en festons avec assez de goût. Dans plusieurs lieux, les défrichements sont considérables. La route passe devant plusieurs belles fermes situées à l'abri dans des vallées profondes. Il paraît que les loups y continuent leur ravage, mais qu'on n'y voit jamais de panthères, la terreur de l'Ouest, et fort peu d'ours. Les serpents s'y rencontrent en grand nombre, mais fort peu d'entre eux sont regardés comme dangereux. Dans l'après-midi, nous arrivâmes en vue de la rivière Monongahela, et ses rivages nous procurèrent pendant plusieurs milles les plus belles vues de scènes domestiques et sauvages. Là, un rocher noir s'élève perpendiculairement sur ses bords comme ceux de Chepstow. Ici, un moulin avec une chaumière, un champ de maïs et une basse-cour offrent un délicieux tableau d'industrie et de bonheur domestique. Brownsville est une petite ville commerçante bâtie sur les bords de cette même rivière. Elle serait jolie si elle n'était pas noircie par le charbon de terre. Je ne me rappelle pas d'avoir vu en Angleterre une ville près d'une mine de charbon aussi teinte en noir que Wheeling et Brownsville. Nous traversâmes dans cette ville la Monongahela dans un bac qui reçut fort commodément notre immense voiture et nos quatre chevaux. En quittant la petite ville noire, nos regards furent de nouveau recréés par des arbrisseaux toujours verts, se réfléchissant dans l'onde, et par des masses de rochers fantastiques, à moitié cachés par des pins et par des cèdres, et rappelant quelquefois à l'imagination le souvenir d'un vaste château gothique. J'ai souvent eu la folie de regretter que ce n'en fût pas un réellement. Voyager pendant des milliers de milles sans rencontrer aucun noble souvenir des siècles passés, à l'exception de masses de feuilles pourries ou de fragments de rocs renversés, cela répand sur l'imagination quelque chose de matériel et de terrestre qui peut à peine être décrit et auquel les plus grandes beautés de la nature ne produisent qu'un remède momentané et transitoire. Notre seconde nuit au milieu des montagnes se passa dans une maison isolée, mais nous nous y trouvâmes beaucoup mieux que dans l'auberge de la nuit précédente, car nous eûmes un bon feu, des draps propres, et nous ne fûmes point grondés. Nous partîmes de nouveau à 4 heures du matin, et nous attendîmes avec impatience les premières lueurs qui devaient nous montrer encore les beautés de la veille. Nous ne fûmes pas trompés dans notre attente, bien que le point de vue fût différent. Les rayons du soleil, en dardant sur le sommet de la montagne, passèrent à travers les vapeurs du matin pour atteindre jusqu'au paysage qui était au-dessous de nous, et nous fûmes comme enveloppés dans un arc-en-ciel. Nous n'avions plus qu'un sommet à atteindre, et lorsque nous l'eûmes gravi et que nous contemplâmes le nouveau pays qui était devant nous, je ne sus pas s'il fallait me réjouir de ce que, les fatigues d'un long voyage fussent passées, ou regretter que notre course touchât à sa fin. La nouveauté de nos plaisirs avait sans doute augmenté leur sérénité. Je n'avais jamais été témoin de scènes semblables. Le pays de Galles seul m'en avait offert quelques traces, et ce que j'ai vu dans les Alpes alléganiennes n'y ressemble nullement. C'est un monde de montagnes s'élevant autour de vous dans toutes les directions et sous toutes les formes. Ce monde est sauvage, immense. Cependant, presque à chaque pas, les regards sont charmés par quelques délicieux points de vue remplis d'arbustes verts, de fleurs en nuances brillantes, et rappelant les plus beaux jardins de notre Angleterre. C'est un voyage de 90 milles, parmi des camélias, des rhododendrons, des azaléas, de la vigne et des roses, abrités par d'énormes masses de roses de différentes couleurs, sur lesquelles des pins gigantesques et des cèdres agitent leur feuillage d'un vert sombre. Tandis que dans chaque direction, vous voyez au second plan des montagnes bleuâtres dont la cime se cache de temps en temps sous les nuages. En descendant du dernier sommet, nous atteignîmes Hagerstown, joli petit assemblage de maisons qui tient le milieu entre une ville et un village. Là, grâce à la piété d'un propriétaire de diligence presbytérien, nous fûmes obligés de nous arrêter un jour entier et de nuit, les voitures publiques ne pouvant voyager le jour du sabbat. Il faut cependant que je dise que ce jour de repos n'était pas un dimanche. Le dimanche soir, nous prîmes à Cumberland un nouveau voyageur, et nous nous aperçûmes bientôt que c'était un des propriétaires de la voiture. Il nous demanda avec une grande politesse si nous désirions voyager le dimanche, ou nous arrêter une journée. Nous lui répondîmes que nous préférions continuer notre voyage. « Alors la voiture partira demain, » reprit l'aimable propriétaire avec la plus grande courtoisie. De cette manière, nous voyageâmes le dimanche et nous arrivâmes le soir à Hagerstown. À la porte de l'auberge, notre civil compagnon nous quitta. Mais lorsque nous demandâmes au domestique à quelle heure nous devions partir le lendemain, il nous apprit que nous serions obligés de passer toute la journée du lundi dans la ville, parce que la voiture qui devait nous emmener n'arriverait pas de l'Est avant le mardi matin. Alors nous découvrîmes que cette offre de nous arrêter le dimanche était pour la commodité du propriétaire et non pas pour la nôtre, et que malgré cela, nous étions forcés de nous arrêter pendant 24 heures. C'était un véritable tour de Yankee. Heureusement pour nous, l'auberge de Hagerstown était une des plus confortables. Ce fut dans ce lieu que nous nous convainquîmes pleinement que nous avions laissé l'ouest de l'Amérique derrière nous. Au lieu d'être grondés, comme nous le fûmes à Cincinnati pour avoir demandé une chambre particulière, on nous en offrit deux sans que nous les demandassions. Un domestique tout à fait comme il faut nous avertit que les repas étaient servis. Nous les trouvâmes abondants et même préparés avec élégance. Le maître de la maison vint à notre rencontre à la porte de la salle à manger, et après nous avoir demandé si nous désirions quelque chose qui ne fût pas sur la table, il sortira. Le prix n'était pas plus élevé sous aucun rapport qu'à Cincinnati. Un ruisseau considérable appelé Conococheck a son cours près de la ville, et la vallée à travers laquelle il passe est, dit-on, la plus fertile de l'Amérique. En quittant Hagerstown, nous nous aperçûmes, à notre grand déplaisir, que nous n'étions pas les seuls occupants de l'immense véhicule. Deux dames et deux messieurs parurent à la portière, prêts à y monter avec nous. Nous partîmes encore à 4 heures, à la lueur d'une lune brillante, et nous fûmes de nouveau cahotés, heurtés, mais bien plus encore que sur notre route des montagnes. Au point du jour, nous découvrîmes que nos deux compagnes étaient une vieille dame et sa fille. Bientôt après, la marche de notre voiture se ralentit considérablement, et de temps en temps notre conducteur adressait à son compagnon qui était dans la voiture de véhémentes exclamations. Les messieurs mirent la tête à la portière et s'informèrent de ce qui était arrivé. Ils ne purent rien apprendre jusqu'à ce que la malle nous rejoignît. Les deux voitures s'arrêtèrent et un colloque animé, mêlé d'injures, eut lieu entre les cochers. Enfin, nous apprîmes qu'une de nos roues était cassée et qu'il nous était impossible d'avancer. La vieille dame devint alors un des principaux acteurs de cette scène. Elle s'élança à la portière, et s'adressant aux messieurs dont la malle était pleine, « Messieurs, s'écria-t-elle, ne pouvez-vous faire place pour deux personnes seulement, moi et ma fille ?» La naïve simplicité de cette requête fit éclater de rire les deux voitures. Cette dame agissait, sans aucun doute, d'après le principe de ce pieux catholique qui, adressant au ciel une prière pour lui seul, ajoutait « pour ne pas fatiguer la miséricorde ». Nos éclats de rire n'intimidèrent pas le moins du monde la vieille dame et n'interrompirent pas un instant ses sollicitations. « Pour deux seulement, » répétait-elle, « ne pouvez-vous faire place pour deux ?» Notre situation était réellement embarrassante, mais il nous était impossible de ne pas rire. Lorsqu'il fut bien certifié que notre voiture ne pouvait nous conduire et que la malle n'avait pas même de place pour deux, nous nous décidâmes à nous rendre à pied au premier village, qui heureusement n'était éloigné que de 2 milles, et d'y attendre que la voiture fût réparée. Nous nous mîmes aussitôt en route et d'un pas rapide, tel que l'heure indue et le froid piquant d'une matinée de mars peuvent le faire présumer, laissant notre vieille dame et sa jolie fille considérablement en arrière. Nos cœurs étaient endurcis par l'égoïsme de sa demande. Lorsque notre voiture fut de nouveau sur ses 4 roues, le cocher, pour réparer le temps perdu, nous conduisit au grand galop sur une route très raboteuse, en conséquence de quoi notre prudente vieille dame tomba dans une agonie de terreur et s'écrie « Nous allons verser, nous allons verser, oh mon Dieu, nous allons verser !» Durèrent jusqu'à la fin du voyage, qui, grâce à nos éclats de rire, notre promenade et les chaos, fut des plus fatigants.